Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire de Marita Lawrence, l'espionne qui aimait Castro. C'est aujourd'hui une femme de 79 ans qui habite dans un modeste appartement de la banlieue de New York. Elle vit d'aide publique et occupe ses journées assise sur son canapé. On l'imagine mettre du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux et les pigeons. Et pourtant, cette femme ressasse les souvenirs d'une vie de roman, de roman d'espionnage. Tantôt observatrice, tantôt protagoniste, elle aurait été impliquée dans une série d'événements qui ont bouleversé le XXe siècle. Un après-midi d'octobre 1960, une succession d'épreuves, souvent dramatiques, la conduisent dans une chambre d'hôtel de La Havane. Revolver à la main, elle fait face à l'homme qu'elle aime. Elle a reçu l'ordre de le tuer. Or, cet homme-là n'est pas n'importe qui, il est le chef d'un État que Washington surveille comme le lait sur le feu. Alors, Marita aura-t-elle le courage d'accomplir sa mission très spéciale ? Notre invitée aujourd'hui, Hélène Coutard, journaliste indépendante. Elle a rencontré et interviewé Marita Lawrence à l'été 2018. Son article a été publié dans les pages du magazine Society. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Ici Philippe Pelot, je vous parle de La Havane. Je viens de voir véritablement une ville en folie. Voici 2h30 de l'après-midi, moment où j'ai été à la rencontre de Fidel Castro et où j'ai vu le flot de tous les gens de La Havane se précipiter vers lui, véritablement les trottoirs lancés vers cet homme, des milliers de gens dans une espèce d'hystérie jusque et de cris extraordinaires. Jusqu'au moment où je viens enfin de quitter cette foule dans l'ancien camp militaire de Columbia, où il est allé après avoir traversé toute la ville, je n'ai assisté qu'à des scènes de joie, d'enthousiasme et de délire. Con que la révolution cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. En ces premiers jours du mois de janvier 1959, il flotte au-dessus de l'île Cuba un parfum d'espoir, un parfum de révolution, ce qui est synonyme. Après des années d'une lutte farouche parsemée d'opérations de guérilla sanglante, l'armée révolutionnaire castriste, menée par Fidel Castro, son frère Raúl et le Che, bien sûr, a mis en fuite le dictateur Batista. À 1800 km de là, à Washington, le président Eisenhower et ses conseillers suivent avec inquiétude ce qui se joue à Cuba. Et pour cause. Sous domination américaine depuis plus d'un demi-siècle, l'île reste un territoire stratégique. L'armée des États-Unis y dispose de bases aéronavales. Les industriels américains, eux, ont la main mise sur la production de sucre, de tabac et de fruits. Quant aux parrains italiens de la mafia de Chicago, ils sont les heureux propriétaires d'hôtels et de casinos très lucratifs. Vu de Washington donc, ce Cuba version Castro, ça ne sent pas très bon. Deux mois plus tard, dans la soirée du vendredi 27 février, la corne de brume d'un navire de croisière retentit dans le port de La Havane. Le MS Berlin, paquebot de 150 mètres de long, battant pavillon ouest allemand, entre dans la rade. Aux commandes, le capitaine Lawrence. À ses côtés, on distingue une femme à la silhouette fine et au regard fuyant. Elle porte une robe d'été et arbore une épaisse chevelure brune. C'est Marita, la fille du capitaine. À 19 ans, la jeune femme tente de reconstruire sa vie, déjà, et d'oublier les séquelles d'une enfance plongée dans la persécution et la barbarie nazie. Née à Brême, d'une mère américaine et d'un père allemand, Marita est internée à l'âge de 4 ans dans un hôpital pour enfants. Ensuite, elle est envoyée avec sa mère à Bergen-Belsen, un camp de concentration. Dans ce voyage au bout de la nuit, Marita découvre la faim, le froid, la mort. après la capitulation allemande en 1945, elle est marquée de nouveau par la folie des hommes. Un officier américain la viole à quelques jours de Noël. Le traumatisme, évidemment, est immense. Marita cherche à fuir. Et c'est ainsi qu'elle se retrouve sur le navire commandé par son père lors de cette escale à Cuba au début de l'année 59. Le lendemain matin, samedi 28 février, dans le port de La Havane, plusieurs vedettes rapides se rapprochent du paquebot MS Berlin. À bord de ces petites embarcations, on distingue des hommes barbus. Ils portent l'uniforme militaire et tiennent des fusils mitrailleurs. Une poignée de secondes plus tard, les individus accostent et montent à bord du MS Berlin. Le capitaine Lawrence dort. Sa fille, Marita, descend sur le pont. Elle se fraye un chemin entre les passagers inquiets et là, elle tombe nez à nez avec le chef de ses invités surprises. Un grand gaillard, fumeur de cigares, sourire séducteur. Plus tard, Marita racontera cet instant, cette rencontre. Il avait 33 ans, il mesurait 1m85. Ses yeux dansaient, ils étaient étincelants. Il avait un sourire adorable, un peu timide, et il me regardait fixement. Quelque chose s'est passé en une fraction de seconde. Et dès qu'il a pris ma main, j'étais foutue. Ça s'appelle un coup de foudre, madame. L'homme se présente. Je suis le docteur Fidel Castro. Je suis Cuba et je viens visiter votre bateau. Marita accepte, mais à la condition que lui et ses hommes abandonnent leurs armes. Fidel et ses soldats obtempèrent et la visite commence. Et là, après tout juste quelques minutes, au détour d'une coursive, la main du chef révolutionnaire vient rejoindre celle de la jeune Allemande. Leurs regards se croisent, leurs yeux se parlent et se disent la même chose. Puis, lorsque le groupe passe devant la cabine de Marita, Fidel insiste auprès de la jeune femme pour entrer. Elle accepte. Une fois à l'intérieur, ils s'embrassent. Lorsqu'ils en ressortent, une dizaine de minutes plus tard, les deux jeunes gens arborent un sourire gêné. S'ensuit un déjeuner dans la cabine du capitaine Lawrence, le père de Marita. Pendant le repas, la jeune femme ne quitte pas du regard son beau soldat. Et lorsque 3 heures plus tard, Fidel Castro quitte le navire et retourne vaquer au chevet de Cuba, ce pays qu'il confond désormais avec sa seule personne, il lance ou aurait lancé à Marita un très engageant « Ne t'inquiète pas, nous nous reverrons bientôt ». Au soir de cette journée hors du temps, le MS Berlin quitte le port de La Havane et met le cap au nord, direction les États-Unis. Sur le pont arrière, Marita Lawrence regarde la côte qui s'éloigne petit à petit. Et l'horizon commence à nourrir ses souvenirs et peut-être son blues. Reviendra-t-elle à Cuba? Reverra-t-elle un jour Fidel? Quatre jours passent, rythmés par cette lancinante question. Mais au cinquième, le téléphone sonne dans l'appartement de la mère de Marita Lawrence à New York. C'est Marita qui décroche. À l'autre bout du fil, Fidel Castro, viens me rejoindre, viens vivre à Cuba. Oui, oui, lui répond Marita, probablement un oui franc et massif. Aussitôt, elle fait sa valise et se précipite à l'aéroport où un billet d'avion l'attend. Mercredi 4 mars 59, aéroport de La Havane. Une jeep militaire récupère Marita au pied de l'avion. On la conduit ensuite à l'hôtel Habana Hilton, un imposant édifice situé dans le centre de la capitale, connu pour sa façade blanche, ses balcons panoramiques et ses grandes baies vitrées. L'endroit, réputé pour être le plus luxueux de l'île, eh bien c'est le domicile de Fidel Castro. Puisqu'il est à Cuba, et Cuba à lui tout seul, il est forcément bien logé. Une fois sur place, on fait monter Marita au 24e étage. On lui ouvre la porte de la suite 2408. Au moment où elle entre, un homme au visage barbu passe dans le couloir derrière elle. Lui, c'est le Che, un autre pensionnaire de l'hôtel voisin de palier. La porte se referme. Seule dans cette immense pièce, Marita se livre un rapide état des lieux, comme elle en témoignera plus tard dans son autobiographie. L'endroit était imprégné d'une forte odeur de cigares. Il y avait des armes dissimulées un peu partout. j'ai d'abord aperçu un bazooka qui dépassait en dessous du lit. En ouvrant l'armoire, j'ai découvert des pistolets et des fusils mitrailleurs. À côté, il y avait des uniformes militaires encore emballés, accrochés à des cintres. Sur l'étagère, une paire de bottes et des chaussures de ville. Puis un bruit de clé, la porte s'ouvre, un homme entre, Marita lui fait face. « Ma petite Allemande !» s'exclame l'individu. « Tu vois, nous sommes à nouveau réunis. » Immédiatement, très Latin lover, Fidel attrape la jeune femme et la fait tournoyer. Puis il l'embrasse et la porte jusqu'au lit. Pour la première fois de sa vie, elle offre son corps à un homme. Après ce premier moment de ceux qui comptent dans une vie, la jeune femme se retrouve sur le balcon. Et les tourtereaux admirent la Havane et le soleil couchant sur la ville. J'étais à la fois terrifiée, car je venais de réaliser que je ne pouvais plus revenir en arrière. Et j'étais tout autant émerveillée par cet homme qui se trouvait là devant moi. Alors, peu importe ce que lui et ses amis révolutionnaires représentaient aux yeux du monde, peu importe la manière dont les gens jugeaient sa politique, son idéologie et tout ce qu'on pouvait lire dans la presse, non, lui seul m'importait. Pour lui, des journées à travailler, pour elle, des journées à l'attendre. C'est la nuit qui les réunit. Fidel et Marita, en tout cas, installent leur relation dans la durée. Et très vite, la jeune femme s'immisce dans l'intimité du clan Castro. Elle rencontre les Camillos Cienfuegos et autres personnes qui comptent à Cuba. Très vite également, on lui confie les responsabilités. Elle assiste la secrétaire du commandante. Elle ouvre et trie son courrier, elle répond aux appels et prend les messages. Mais au fil des jours et des semaines, les nuits ensemble deviennent plus rares et plus brèves. Fidel prétend faire des reconnaissances de nuit sur l'île. Mais au courrier, Marita découvre des lettres d'amour signées de femmes à l'adresse de Fidel, le bien mal nommé. Et puis, le pouvoir n'est-il pas aphrodisiaque ? Jalouse, trompée, Marita pense tout de même avoir conquis le cœur de Fidel avec un argument massu. Elle est enceinte. Et pourtant, cela ne change rien à l'affaire. Comme en témoignera plus tard l'écrivain cubain Eduardo Manet, Fidel Castro entretenait des relations avec plusieurs dizaines de femmes. Je ne sais pas si la dame qui m'a parlé de son rapport avec Fidel, elle mentait ou non, je ne crois pas. C'était une femme vraiment d'une grande qualité humaine, etc. Je crois qu'elle correspondait tout à fait à l'image des femmes qui aimaient Fidel Castro. Fidel Castro, c'était un comédien comme Marlon Brando, un grand comédien. C'est-à-dire qu'un grand comédien rentre dans son personnage et qu'à un moment où il regarde une femme qu'il aime, il dit l'aime et il aime. Et au moment où il disait « Je lutte pour la liberté de Cuba », il croyait, mais après il a fait tout le contraire. Mercredi 31 mars 1959, siège de la CIA, Langley, État de Virginie. Ce matin-là, le directeur du renseignement américain, Allen Dulles, organise une réunion crise. Au menu, la situation politique à Cuba. Voilà 3 mois, en effet, que les castristes ont pris le pouvoir à La Havane. À cette époque, le doute plane encore sur les intentions réelles. Personne ne sait si le domino cubain va basculer dans le camp soviétique, pour reprendre les mots du président Eisenhower. Alors, les Américains observent, épient les faits et gestes du nouveau pouvoir cubain. Ils tendent l'oreille à l'affût de la moindre déclaration. Or, dans son dernier discours, Fidel Castro vient d'abattre une nouvelle carte, un projet de réforme agraire. Derrière l'effet d'annonce, les États-Unis craignent que les castristes confisquent les terres de culture et les usines de production pour les redistribuer à la population. Une initiative qui fragiliserait la position des sociétés américaines implantées sur l'île. Et si c'était, de surcroît, la première étape d'un alignement sur Moscou ? Plus grave encore, la CIA sait maintenant que plusieurs dignitaires soviétiques se sont rendus à Cuba. Alors, pour en avoir le cœur net, l'administration Eisenhower invite le chef de la révolution cubaine aux États-Unis. Mais pour éviter que cette démarche diplomatique inédite ne se traduise dans les médias comme un geste de rapprochement, le secrétariat d'État demande à l'association des éditeurs de presse américaine de formuler l'invitation à Castro. Le Le 18 avril, en milieu de journée, un appareil aux couleurs de la compagnie Cubana Aviation se pose sur l'aéroport de Washington. Sur la passerelle de débarquement, c'est un Fidel Castro tout sourire qui débarque. Malgré des propos ouvertement anti-américains, le commandant T reste très apprécié par les journalistes, toujours avide d'enregistrer son franc-parler et ses anecdotes sur sa vie de soldat lors de la guérilla. Castro est exotique, pittoresque même. Parmi tous les membres de la délégation cubaine qui participe au voyage, on distingue une jeune femme brune. Elle aussi porte l'uniforme. Elle, c'est Marita Lorenz. Une présence inattendue qui provoque un début d'incident diplomatique. Car la mère de Marita est américaine et travaille pour l'administration militaire. Le fait que sa fille accompagne le leader cubain est, comment dire, décalé et en vérité très mal perçu au Pentagone. À la CIA, en revanche, on y voit au contraire une belle opportunité. Les confidences sur l'oreiller donnent souvent d'excellents résultats. Toujours est-il qu'à chaque étape de son séjour, le chef de la révolution cubaine est accueilli la plupart du temps comme une rockstar. Sur les photos, on le voit tenir des bébés à bout de bras, comme le ferait un chef religieux. On l'entend à la radio affirmer que, s'il y a des communistes dans son gouvernement, ils n'ont aucune influence sur sa politique. Enfin, on sent même l'odeur de ses cigares jusque sur la tombe de George Washington, premier président américain, à qui le commandant T vient rendre un hommage aussi appuyé que calculé. À la Maison Blanche, le vice-président Richard Nixon s'entretient plus de 2 heures avec Castro. Il rédigera par la suite cette note à l'attention d'Eisenhower. Mon sentiment sur ce Fidel Castro est assez ambivalent. Ce dont nous pouvons être sûrs, c'est qu'il possède les qualités indéfinissables d'un leader. Quoi qu'on en pense, il va jouer un rôle important dans le développement de Cuba et très probablement dans les affaires de l'Amérique latine en général. Lors de notre rencontre, il m'a semblé sincère. Je dirais qu'il est soit incroyablement naïf au sujet du communisme, soit qu'il est en fait sous influence communiste. Je pencherai plus pour la première hypothèse. Et j'estime que nous n'avons donc pas d'autre choix que d'essayer de l'orienter, lui et sa politique, dans la bonne direction. Si face aux caméras, Castro joue les invités amusés, en coulisses en revanche, il est offensé par l'attitude condescendante des Américains. Castro sait que le président Eisenhower a annulé sa rencontre avec lui au motif qu'il avait une partie de golf avec ses amis. Son retour à Cuba après 11 jours de voyage, c'est donc un Castro furieux qui réunit son gouvernement. Les Américains se croient tout permis lorsqu'ils sont chez eux. Eh bien, nous allons leur montrer aux Yankees qu'avec notre réforme agraire, nous n'avons d'ordre à recevoir de personne, aurait-il hurlé. Témoin privilégié de ce changement brutal d'attitude, Marita découvre l'envers d'un décor géopolitique dont elle ne soupçonnait rien. Par hasard, elle se retrouve sur l'île des Pins, un modeste îlot de terre qui sert de bagne et de centre de torture au régime castriste. La jeune femme découvre alors le visage caché du Cuba version Castro, un pays qui enferme, qui torture et qui tue ses opposants. Dans les semaines qui suivent, la situation se crispe. Marita est contrainte de changer d'hôtel pendant une semaine. Officiellement, pour plus de confort. Officieusement, l'hôtel Habana Hilton, où elle résidait jusqu'alors, doit accueillir plusieurs éminents voyageurs en provenance de Moscou. Et c'est par ce curieux concours de circonstances que Marita se retrouve à l'hôtel Riviera, un endroit fréquenté par un grand nombre d'Américains. Parmi eux, un mystérieux personnage d'une trentaine d'années. Cheveux bruns, visage fin, il porte un uniforme de l'armée de l'air cubaine et il profite de l'occasion pour glisser un message à la jeune femme. Je sais qui tu es. Tu es la petite amie de Fidel. Sache que si tu en as besoin, je peux t'apporter mon aide. Je connais des gens haut placés, ici et ailleurs. Si par exemple un jour tu souhaites rentrer aux États-Unis, je peux te faire quitter l'île. Cet homme que Marita découvrira bien plus tard se fait appeler Frank Fiorini. C'est un Américain d'origine italienne, proche du régime castriste, qui joue toujours sur plusieurs tableaux. À la fois la solde des parrains du crime organisé, mais aussi intermédiaire précieux pour les marchands d'armes en Amérique latine, et enfin homme de main des dictateurs déchus, un sérieux client. Au fil des jours, ce même Fiorini va harceler Marita. Tantôt, il réclame à la jeune femme qu'elle glisse un mot favorable à son amant au sujet des casinos et du tourisme sur l'île. Tantôt, il exige qu'elle lui fournisse des documents issus de la correspondance privée de Fidel. Par lassitude et pour qu'il arrête de le harceler, Marita lui remet quelques documents, des lettres provenant de la poubelle de la chambre de Fidel. Lundi 26 octobre, La Havane, hôtel Havana Hilton. Ce matin, le soleil illumine la suite 2408. Devant le miroir de la salle de bain, Marita Lorenz observe son ventre. 8 mois et demi de grossesse, c'est bientôt l'échéance. Puis, comme tous les matins, le service de chambre apporte son petit déjeuner à Marita. Elle commence par boire son verre de lait, mais à peine a-t-elle bu une première gorgée qu'elle perd connaissance et s'effondre au sol. J'ai été dans un état étrange, à moitié consciente, à moitié endormie. Autour de moi, des ombres noires allaient et venaient. La seule chose que je discernais vraiment, c'était des voix d'hommes. Puis j'ai le vague souvenir d'une sirène, de me retrouver allongée sur une sorte de brancard, une perfusion dans le bras. À ce moment-là, je me rappelle, ou peut-être j'aimerais me rappeler, avoir entendu un cri aigu, semblable à celui d'un chaton. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. Lorsque je me suis réveillée, j'étais de nouveau dans une chambre d'hôtel, étendue sur un lit. Nauséeuse et assoiffée, la douleur était insupportable. D'après le récit qu'en fera par la suite la même Marita Lorenz, entendant les cris, l'un des voisins de palier, Camillo Cienfuegos, proche camarade de Fidel, accourt dans la chambre. Lorsqu'il découvre le corps de Marita, celui-ci baigne dans une mare de sang. La jeune femme est à moitié consciente. Elle fait une hémorragie. Alors, sans perdre un instant, l'homme appelle le service d'étage pour qu'on envoie un médecin. Puis il joint par téléphone le frère de Marita qui vit aux États-Unis. Ensemble, ils prennent la décision de la rapatrier à New York. Marita crie de douleur. Camillo l'habille. Marita n'arrive pas à tenir debout sur ses jambes. Camillo la porte. Marita supplie qu'on ne l'abandonne pas. Camillo la conduit lui-même en voiture jusqu'au pied de l'avion. Dans les minutes qui suivent, l'appareil décolle pour les États-Unis. Lorsqu'il se pose à New York, 4 heures plus tard, une ambulance récupère Marita sur le tarmac. Elle est dans un état grave. Alors on l'emmène en urgence à l'hôpital Roosevelt. Un médecin l'examine. Son diagnostic est formel. Le fœtus qui se trouvait dans le ventre de la jeune femme de 19 ans a disparu. Les signes cliniques attestent qu'elle aurait subi un accouchement forcé, effectué selon les dires du praticien de manière sauvage et insensée. Pour Marita, la nouvelle est un second choc. Qui a tenté de lui voler son enfant? Qui a osé l'abandonner à moitié morte dans une chambre d'hôtel? La réponse est dans la question. La jeune femme le sait. À Cuba, rien ne se fait sans l'aval du commandante. Alors, pourtant, elle refuse de croire que Fidel ait pu donner cet ordre. Alors qui? Marita est loin d'imaginer que cet épisode est en réalité le premier d'une longue série et que désormais, sa vie ne lui appartient plus. Non. Elle appartient à la CIA. Hacia el timbal, para el leitivo de tocar, para... Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Il est maintenant 19h14 minutes 30 secondes. Inter, actualité. Le président Eisenhower, dans un discours radiodiffusé et télévisé, dégagera demain les enseignements de la vaste tournée en Amérique latine qu'il vient d'effectuer. Il n'a pas passé par Cuba, mais cette île toute voisine et le chef de son gouvernement, Fidel Castro, se trouvent au premier plan des préoccupations américaines. Il est possible que M. Eisenhower y fasse allusion. En attendant, si le gouvernement américain se maintient dans une froide réserve, le Congrès et la presse des États-Unis font abondamment connaître qu'ils sont excédés des intempérances du langage anti-américain de la Havane et qu'ils souhaiteraient que le gouvernement cubain cessât d'accuser les États-Unis d'être responsables de tout ce qui ne fonctionne pas harmonieusement à Cuba ou ailleurs. Ici George Wolf à New York, à vous Paris. Mardi 1er mars 1960, New York. Dans les kiosques à journaux, la presse du jour titre « Le président Eisenhower hausse le ton au sujet de Cuba ». Pour de nombreux éditorialistes, les révolutionnaires castristes, au pouvoir depuis tout juste un an, viennent de franchir une nouvelle étape dans la provocation. En coulisses, il se dit aussi que la Maison-Blanche ne supporte plus les menaces à peine voilées d'expropriation et de nationalisation lancées par Fidel Castro. Dans l'ombre, la CIA imagine alors et déjà les plans d'une intervention militaire pour renverser ce régime décidément infréquentable et, circonstance très aggravante, voisin. Loin du tumulte de l'actualité, ce mardi 1er mars, en milieu d'après-midi, deux hommes se présentent devant un immeuble cossu du Queens, portant complet veston et imperméable couleur mastic. À la concierge, ils présentent leurs insignes d'agents fédéraux. Cette dernière les conduit alors au troisième étage de l'immeuble. Les hommes sonnent à la porte d'un appartement. C'est la mère de Marita Lawrence qui ouvre. Elle comprend, tout de suite. D'un geste de la main, elle leur indique la porte du fond, celle de la chambre où se repose Marita. Voilà 4 mois que la jeune femme est rentrée en catastrophe de Cuba. Sur le plan psychologique, elle demeure fragile. À 19 ans, elle a subi l'horreur des camps de concentration, un viol, et désormais, elle doit vivre avec le traumatisme d'un accouchement forcé. À son chevet, les agents du FBI et de la CIA se succèdent. Aux questions, toujours les mêmes, sur la vie et l'organisation du pouvoir à Cuba, Marita répond toujours de la même façon. « J'ai choisi d'ignorer ce qui se passait à Cuba, car j'étais amoureuse de Fidel. Point. » Au fil du temps, les interrogatoires se transforment en séances de lavage de cerveau. Face à une Marita déboussolée, les agents fédéraux lisent et relisent des discours sur le fléau du communisme. Ils citent des articles de journaux dans lesquels apparaît le témoignage de réfugiés cubains victimes de la persécution castriste. Enfin, ils vont jusqu'à montrer à la jeune femme des photos de son supposé bébé après l'accouchement et des documents médicaux prétendant que suite à l'opération, elle est désormais stérile. Plus tard, Marita Lawrence racontera les pressions psychologiques qu'elle a subies. Ils ont tout fait pour me culpabiliser. Je ne suis pas née aux États-Unis, je suis née en Allemagne. Et ils m'ont dit que je devais gagner ma citoyenneté, que j'avais déshonoré ma famille parce que je m'étais sauvée. J'étais seule, complètement livrée à moi-même. Ce n'était pas difficile de me contrôler. Ma mère travaillait pour les services secrets militaires. Mon père était en mer, j'étais seule. Et ils étaient pour ainsi dire mes grands frères. Le problème, c'est qu'ils m'ont trafiqué le cerveau. J'ai découvert plus tard que cette opération avait pour nom Ultra. Ils ont testé des drogues sur moi. Ils m'ont transformé en agent secret pour que je retourne le voir. Au même moment, Marita découvre dans la presse un article écrit par sa mère, titré « Comment Castro a violé ma fille encore adolescente ». Dans ce texte, la jeune femme découvre que l'accouchement forcé, eh bien ce serait un coup terrible de Fidel, oui, et de ses hommes. Il l'aurait drogué, lui aurait volé son enfant. Écrit en réalité par des agents de la CIA, l'article est le point d'orgue d'une violente campagne médiatique pour discréditer le chef de la révolution à Cuba et déstabiliser Marita. Et la jeune femme n'est pas au bout de ses peines. puisque dans les jours qui suivent, elle est victime d'une tentative d'assassinat en pleine rue. Chargé d'enquête, le FBI conclut immédiatement à une piste cubaine. Au début de l'été 1960, Marita vit sous les pressions quotidiennes de la CIA. L'agence de renseignement américaine souhaite la recruter, c'est clair. Eh bien la mère, Marita, va la convaincre d'accepter. Dont acte. La jeune femme suit alors un programme d'instruction militaire dans les camps secrets en Floride, là où on forme les exilés cubains et autres mercenaires au maniement des armes et à la guérilla. Puis elle est envoyée à plusieurs reprises pour des missions de renseignement clandestines sur l'île de Cuba. Ce que la jeune femme ignore, c'est que la CIA la teste pour vérifier qu'elle est apte ou non pour une mission d'une toute autre envergure. Comme en témoignera plus tard le réalisateur Wilfried Wiessmann, auteur d'une enquête et d'un documentaire sur la vie de Marita Lawrence, la CIA va se servir d'elle, c'est le moins qu'on puisse dire. Deux oncles de sa mère étaient des généraux haut gradés de l'armée américaine. Et donc, ils savaient absolument tout de l'enfance de Marita, de ses faiblesses, de ses traumatismes. Et ils se sont servis d'elle non comme d'un jouet, mais comme d'un outil. Ils ont fait d'elle un robot à tuer. C'est effrayant. Ils n'ont eu pour elle aucun respect. Miami, début du mois d'octobre 1960. Marita Lawrence a rendez-vous en pleine nuit dans un motel défraîchi situé en banlieue. L'endroit, en vérité, est une base opérationnelle avancée de l'agence. Sur le parking, des hommes portant pistolets à la ceinture dévisagent Marita. La jeune femme s'approche d'une chambre située au rez-de-chaussée. Elle frappe à la porte. Un homme lui ouvre. Surprise. Il s'agit de Frank Fiorini. Oui, Fiorini, celui qui un an plus tôt avait harcelé Marita à Cuba pour obtenir des informations sur Fidel Castro. Eh bien, ce même Fiorini était en réalité un agent de la CIA. Une fois la porte refermée, il explique à la jeune femme les raisons de cette rencontre tardive. Marita, l'agence t'a choisi pour participer à une mission très spéciale. Avant toute chose, tu dois savoir qu'elle a été approuvée par le président Eisenhower en personne et que les ordres que tu vas recevoir proviennent directement du vice-président Nixon. Dans les grandes lignes, il s'agit d'une machination gouvernementale. Nom de code, Opération 40. Après avoir infiltré des agents de la CIA sur l'île de Cuba et mis en place un réseau d'influence, notre objectif est de renverser le gouvernement de Fidel Castro. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, cela fait déjà plusieurs années que la CIA pense en finir avec Fidel Castro. Parmi les idées, dont certaines saugrenues envisagées par l'agence, administrer au chef de la révolution cubaine des drogues hallucinogènes afin qu'il perde le contrôle de lui-même et qu'il donne une impression pathétique en public. On a aussi pensé à contaminer, avec du LSD, l'air de la station de radio où il prononce ses discours fleuves afin de lui faire perdre toute crédibilité. Enfin, on a également étudié l'idée d'injecter dans ses cigares une substance chimique qui lui aurait fait perdre les poils de sa barbe emblématique. Mais cette fois, la CIA veut aller plus loin. Et pour ça, elle a besoin de Marita Lawrence, la seule personne capable d'approcher Castro. Quelques jours plus tard, lors d'un nouveau rendez-vous secret, cette fois dans l'immeuble du FBI au cœur de Manhattan à New York, Marita découvre le véritable objectif de sa mission, neutraliser Fidel. La méthode choisie, au bout du compte, des pilules remplies de poison que Marita aura versées dans la nourriture ou la boisson du leader Maximo. La mort sera instantanée et indolore. Mais la jeune femme refuse, hors de question. Mais au fil des jours, influencée par sa mère toujours, droguée par ses traitements médicamenteux et mise sous pression par la CIA, elle finit par se convertir à l'idée « tuer l'homme qu'elle aime ». Le dernier acte de cette histoire se déroule par une journée ensoleillée de la fin du mois d'octobre 1960. Au petit matin, Marita Lawrence embarque à bord d'un avion pour Cuba. 2 ans auparavant, elle était encore une jeune adulte rebelle et elle venait sur cette île des Caraïbes pour vivre l'amour. Désormais, elle y retourne pour mission de semer la mort. Dans la poche de son pantalon, elle a glissé les deux pilules mortelles que Frank Fiorini lui a remises à l'aéroport avant son départ. « Ces cachets vont changer le cours de l'histoire, Marita », lui a-t-il dit. Dans l'avion, la jeune femme est anxieuse. On le serait à moins. À l'arrivée à l'aéroport de La Havane, pourtant, aucun contrôle. Personne ne semble faire attention à elle. Après une première étape à l'hôtel Colina, où elle met son vieil uniforme du mouvement du 26 juillet, elle marche à pied en direction de l'immeuble blanc du Habana Hilton. Elle pénètre dans le hall, prend l'ascenseur, monte au 24e étage et entre dans la suite 2408. La chambre est vide. Avec la chaleur, elle découvre que ses pilules ont fondu dans sa poche. Elle décide alors de les jeter et se met à chercher un autre moyen d'accomplir sa mission. Mais à peine a-t-elle le temps de réfléchir que la porte de la chambre s'ouvre. Fidèle est là, face à elle. Je tremblais. Lui semblait content de me voir. Il m'a longuement regardé, puis il m'a demandé si j'étais revenue pour le tuer. Je lui ai répondu en hochant la tête. Je lui ai dit que j'étais aussi là pour savoir s'il était responsable de mon accouchement forcé. À ces mots, Fidèle n'a rien dit. Il a sorti son pistolet, il l'a pointé sur sa poitrine et il me l'a donné. J'ai saisi l'arme entre mes mains. J'ai visé. Je l'ai menacé. Il souriait en me répétant que je ne pourrais jamais le tuer. Au bout d'une dizaine de secondes, j'ai réalisé qu'il avait raison. Je n'étais pas capable de tirer. J'ai alors baissé le canon de l'arme. Fidèle l'a récupéré et m'a annoncé que l'enfant issu de l'accouchement était vivant. C'était un garçon. Et il habitait ici, à La Havane. Une demi-heure plus tard, Marita ressort de la suite 2408. Elle redescend dans l'hall de l'hôtel, fait comme si de rien n'était. Puis elle quitte l'établissement, prend un taxi pour l'aéroport, et une fois sur place, elle embarque dans le premier vol pour Miami. Dans l'avion qui la ramène chez elle, la jeune femme ressasse le fil des événements. Elle vient de faillir à sa mission. Non, elle n'a pas pu tuer l'homme qu'elle aime. Elle ne fera pas changer le cours de l'histoire. Pour la CIA, c'est une trahison. Elle lui en fera payer le prix pour le reste de sa vie. Contigo, la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mío y hoy quiero borrarla de mi ser. ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me de tu traición, ay, ay, ay, ay, ay, en la última noche que pasé contigo, la llevo guardada como fiel testigo de aquellos momentos en que fuiste mío y hoy quiero borrarla de mi ser. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'histoire de Marita Lorenz, l'espionne qui aimait Castro. Notre invitée, Hélène Coutard, bonjour. Bonjour. êtes journaliste indépendante. Vous avez rencontré et interviewé Marita Lorenz l'an dernier, l'été 2018, et votre article est à lire dans les pages du magazine Society. Alors, pour écrire ce récit, celui d'Affaires Sensibles, nous avons utilisé plusieurs livres biographiques consacrés à Marita Lorenz, ainsi que son autobiographie, parue en 2016. Je rappelle également qu'il existe des photos et des documents d'archives qui attestent de certains éléments de la vie de l'espionne. Pour autant, ça paraît à la fois réaliste et cousu de fil blanc, donc on va essayer de savoir ensemble ce qui est vrai et ce qui l'est un peu moins. D'abord, dans quelles conditions l'avez-vous rencontré à l'été 2018 ? Alors, je l'ai rencontré, oui, en juillet dernier, par son fils Marc, qui est en fait la seule famille qui lui reste, qui s'occupe d'elle tout le temps. Mmh. Elle vit dans une maison de retraite assez modeste dans le Queens, donc c'est pas là qu'elle reçoit. Elle reçoit chez son fils Marc, qui vit dans un petit appartement de Brooklyn. Elle va bientôt avoir 80 ans, l'été prochain, donc elle est pas en très très bonne santé, elle est très fatiguée, elle est assez triste aussi. Et donc, comme je vous le disais, à part Marc, plus personne s'occupe vraiment d'elle, puisqu'elle a une fille, mais qui vit en Californie et à qui elle parle plus vraiment. Et elle a une sœur qui ne lui parle plus. Bien, alors, si j'ose dire, on a l'impression, à lire son autobiographie, que presque 60 ans après les faits, Marita reste toujours amoureuse et fascinée par Fidel Castro. Vous avez eu ce sentiment en lui parlant? D'ailleurs, est-ce que vous lui avez peut-être posé la question directement? Oui, oui, mais alors elle est complètement amoureuse de Castro. Et elle c'est le l'homme dit, de sa vie. Complètement, elle le dit sans problème, 60 ans après, que c'est l'homme de sa vie, que malgré ses deux mariages suivants, que quand elle le rencontre, elle est très jeune, c'est son premier amour, il est significativement plus vieux qu'elle, qu'elle, de toute façon, la politique, c'est pas son truc, ce le sera jamais, donc elle s'en fiche de ce qui se passe à Cuba. Donc elle a fermé les yeux consciemment. Alors elle l'a dit, elle l'assume. Oui, oui, elle le dit que de toute façon, elle voulait pas le voir. Même après ce qu'on lui a dit, ça l'intéresse pas. Alors, dans le récit de la vie de Marita Lorenz, nous sommes, nous, arrêtés à l'épisode de sa tentative d'assassinat manquée sur Fidel Castro. C'était en octobre 1960. Que se passe-t-il ensuite pour elle lors de son retour aux États-Unis? Nous avons conclu le récit en disant que la CIA lui ferait payer toute sa vie. Alors, que s'est-il passé? Comment la CIA lui a-t-elle fait payer son manquement? Alors, en fait, après ça, elle rentre aux États-Unis. La CIA lui en veut beaucoup, Fiorini lui en veut beaucoup, mais ils peuvent pas vraiment la virer, puisqu'elle sait beaucoup de choses. Mmh. Elle peut pas vraiment se passer d'eux, parce que déjà, elle a pas de travail, elle a pas fait d'études, et puis, il lui parle toujours de cette nationalité américaine qu'on peut lui enlever. Et donc, en fait, à ce moment-là, ils vont lui faire faire un peu tout et n'importe quoi, pendant des décennies, et surtout, de la livraison d'armes. Comme elle s'y connaît bien en bateau, parce qu'elle a beaucoup navigué avec son père, ils lui font faire des livraisons d'armes par bateau. Et ça, alors je vous coupe, mais pour la bonne cause, puisqu'on va écouter ensemble, et sur ce sujet-là, sur ce point précis, une archive qui date de 2001. Marita Lorenz était l'invitée de l'émission Cosmopolitaine sur France Inter, en répondant aux questions de Paula Jacques concernant son implication dans les affaires de la CIA, et notamment sur l'affaire de transport d'armes à Dallas au mois de novembre 63. Vous allez entendre, elle évoque un certain Jack Ruby, l'assassin de Kennedy, Lee Harvey Oswald. Dans ce convoi de voitures en route pour Dallas, je pensais que nous allions livrer des armes et j'étais traité comme n'importe quel autre soldat. Mais une fois arrivé, les choses ont changé et moi aussi j'ai changé. Parce que Jack Ruby est venu apporter de l'argent à Frank Sturgis et il m'a insulté. J'étais assis sur le lit près de la porte et il a dit « Qui est cette merde que vous avez amenée avec vous ?» Ça m'a vraiment offensée. Peut-être parce que j'avais mes règles ce jour-là et que j'étais plus sensible. Je lui ai dit qu'il était horriblement grossier, je l'ai traité de salopard, de rat, que je n'avais pas à supporter ses injures. Je voulais pointer ma mitraillette sur lui, j'étais vraiment furieuse. Mais vous ne saviez pas, Marita Lorenz, qu'on vous envoie là parce que Lee Harvey Oswald va assassiner le président. Non, je ne le savais pas. Ce petit connard de mafieux m'avait offensé, mais je ne savais absolument pas pourquoi on était là. Je savais qu'ils avaient apporté des armes, ce qui était assez inhabituel. Et comme je ne sentais pas très bien ce qui était en train de se passer, j'ai dit à Frank Sturgis, moi je me tire. Et je suis effectivement partie. Hélène Coutard, que pensez-vous des propos de Marita Lorenz? Parce que tout de même, prétendre avoir tenté d'assassiner Castro est une chose, mais affirmer avoir participé, malgré elle, aux préparatifs de l'attentat contre Kennedy, en est une autre quand même. En effet, quand elle témoigne à la commission d'enquête sur l'assassinat de Kennedy, son témoignage n'est pas retenu parce qu'il est jugé pas assez crédible. En effet, pendant toutes ces années, elle travaille pour la CIA, mais de façon non officielle, donc déjà on la paye en liquide. Il n'y a rien d'administratif qui peut attester qu'elle était à tel endroit, à tel moment. Sur Dallas, c'est compliqué de savoir si elle y était, puisque les gens qu'elle dit avoir vus là-bas disent le contraire. Elle dit aussi qu'elle avait rencontré avant Lee Harvey Oswald à Miami, à des rendez-vous d'anti-castrices, etc. Elle dit que les hommes de la CIA détestaient Kennedy et qu'ils répétaient très souvent qu'ils voulaient le tuer. Mais que la CIA déteste Kennedy, c'est peut-être pas forcément faux. Oui. Que la CIA ait voulu tuer Kennedy, ça n'en ira pas jusque-là, parce qu'on aimerait bien le savoir, mais on ne sait toujours pas. On l'a vu dans le récit, un personnage agit en toile de fond, de bout en bout d'ailleurs, dans cette affaire. Il s'agit du dénommé Frank Fiorini. Alors, qui est-il? Pour qui agit-il? D'ailleurs, est-ce que c'est bien son vrai nom? Alors, Fiorini, en principe, c'est son vrai nom de naissance. Mmh. Plus tard, par contre, il se servira d'un autre nom quand il revient aux États-Unis. Il se fait appeler Frank Sturgis, qui est le nom sous lequel il est le plus connu, puisque en 72, quand il est arrêté pour le Watergate, il s'appelle Frank Sturgis. Donc c'est bien lui. C'est tout à fait lui. Que Marita évoquait tout à l'heure dans l'archive. Donc c'est un agent important, on l'a missionné pour ça, pour cette mission importante, la mission Marita, ça s'appelait pas comme ça d'ailleurs exactement, mais c'était cette mission-là. Donc lui, il était vraiment le pivot de... Oui, alors, du recrutement, parce que la CIA voulait recruter Marita Lorenz. Oui. Ce qui est sûr, c'est que c'est lui qui va s'occuper, entre guillemets, de Marita pendant toute sa vie. Donc ce sera vraiment la CIA, pour elle, c'est lui. Et ce qui est sûr, c'est qu'il a fait partie, en effet, d'une série d'opérations qui s'appelait l'opération 40, qu'il a lui-même décrit comme étant un groupe chargé d'organiser des assassinats pour le compte de la CIA. Ça, il l'a dit, donc c'est sûr. Mais en effet... Comme vous l'avez dit pendant le récit, on ne sait jamais vraiment pour qui il travaille. Hmm. Il travaille au minimum pour deux ou trois personnes différentes à chaque fois. Autre mystère, l'enfant. L'enfant a-t-il vécu? On ne saura jamais, mais elle dit que oui. Elle a envie de le croire. Elle dit qu'elle l'a rencontré, puisque la dernière fois qu'elle va à Cuba, c'est en 82. C'est la dernière fois qu'elle voit Fidel Castro. Mmh. Elle lui redemande encore une fois, comme à chaque fois, où est cet enfant, est-ce qu'il est vivant? Et cette fois, il lui présente un jeune homme qui a à peu près l'âge qui convient, correspond pour que ce soit lui. Et il lui présente son fils. Donc il lui dit, c'est notre enfant, il s'appelle Andrés, il est médecin. Il a été élevé par des amis, et voilà. Alors, elle-même sait bien que peut-être que c'est pas du tout son fils, mais elle a envie d'y croire, et elle dit qu'il ressemble énormément à son fils Marc. Donc elle a envie de croire que c'est lui. Dans certaines interviews qu'elle a données à la presse nord-américaine, on découvre qu'elle a par la suite eu, alors qu'elle aurait eu un autre enfant avec un autre dictateur déchu, celui-là, et qu'elle a vécu une nouvelle fois des aventures dramatiques. De quoi s'agit-il et de qui s'agit-il si ces propos sont vrais? Oui, alors en 61, pas longtemps après Cuba, elle travaille donc pour la CIA et Fiorini l'envoie chez un homme, elle doit récupérer de l'argent. Cet homme, en fait, c'est Marcos Pérez Jiménez, qui est l'ancien dictateur vénézuélien qui, à ce moment-là, est en exil politique à Miami, qui paye la CIA pour pouvoir rester. Et il tombe fou amoureux de Marita, qui, au début, n'est pas très emballée par cette histoire. Elle le trouve vieux et alcoolique. Et finalement, elle devient sa maîtresse et ils ont une fille ensemble qui naît en mars 62. Voilà, sauf que Jiménez est marié, il a une famille officielle. Et donc, quand il est renvoyé en prison au Venezuela, Marita se retrouve sans rien, avec sa fille, sans argent. Donc, à ce moment-là, elle va à Caracas pour le voir et lui demander comment elle est censée s'occuper de sa fille. Elle ne le rencontre pas, elle est jetée en prison. Et à ce moment-là, il se passe encore une autre aventure de sa vie où on n'est pas bien sûr. Mais elle dit qu'après la prison, en fait, pour se débarrasser d'elle, il l'envoie dans la jungle avec son bébé. Et qu'elle vit pendant 8 mois avec une tribu dans la jungle. Jusqu'à ce que sa mère, qui travaille avec l'armée américaine, fasse pression sur la CIA pour venir la chercher. Mais quel est votre sentiment? Vous l'interviewez, elle vous dit ça, vous vous dites elle a fabule ou c'est vrai? Je sais pas sur quel pied danser. Comment vous réagissez ? Elle est très sûre d'elle. Ça, cet épisode dans la jungle, elle dit que maintenant elle veut écrire un livre là-dessus parce qu'elle trouve qu'on la croit pas. En plus, elle est très vexée quand on la croit pas. Mais vous avez le sentiment, sincèrement, quand elle vous parle, les yeux parlent autant que la parole, hein. Vous avez l'impression qu'elle vous ment ou qu'elle est sincère ? Ou qu'elle croit sincèrement à ces histoires ? Alors là, c'est ce qu'on appelle la mythomanie, c'est autre chose. Mais ça peut être ça aussi. Qu'est-ce que vous ressentez, vous ? Moi, quand je l'ai rencontrée, j'avais l'impression qu'elle disait la vérité, ou du moins qu'elle pensait la dire. Peut-être qu'elle embellit quelques passages de son histoire, mais c'est vrai qu'elle, en fait, pourquoi elle mentirait, dans le sens où elle n'a rien obtenu de ses mensonges. Oui, c'est vrai. Alors, on va l'écouter une dernière fois, toujours en 2001, dans l'émission Cosmopolitan sur France Inter. Elle raconte d'autres anecdotes de sa carrière, si je puis dire, d'espionne. Sometimes I had fun, yes. I stole boats for the CIA. Parfois, oui, je me suis bien amusée. J'ai volé des bateaux pour la CIA à des gens richissimes qui avaient des maisons somptueuses, des bateaux magnifiques qui donnaient des fêtes fastueuses, qui étaient très élégants. C'était à Palm Beach. J'y allais avec une torche électrique, je plongeais sous la jetée, je coupais les cordages, je prenais le bateau et je me marrais comme une folle. Cette époque était vraiment marrante. J'ai volé des bateaux, mais ça m'a beaucoup amusé de le faire. J'ai aussi volé des voitures, c'était épatant. J'adorais faire des casses, c'était un vrai challenge. C'est terriblement agréable si on a besoin d'une voiture, de la réquisitionner au nom du gouvernement. Ça rend dingue d'être au-dessus des lois. Oui, c'est l'aventurière, quoi. C'est ça. Elle a le profil d'une aventurière, le profil d'une personne qui n'a pas envie de vivre la vie de monsieur et madame tout le monde, parce que c'est... ça peut être ennuyeux. C'est ça son profil. Elle dit en tout cas qu'elle a, malgré toutes les choses qui lui en sont arrivées, qu'elle a aucun regret. Et elle m'a dit, si j'avais pas rencontré Fidel, j'aurais fini en Allemagne, j'aurais travaillé dans l'hôtel de mon père, j'aurais épousé un Allemand stupide et j'aurais 8 enfants. Ah. Elle le dit d'une façon qui laisse penser que c'est pas ce qui la faisait rêver. Bien sûr. Que souhaite-t-elle aujourd'hui ? Est-ce qu'elle a des projets ? Bon, elle est assez âgée, mais enfin, elle peut encore avoir des projets aujourd'hui, à 79 ans, on peut encore avoir des projets, c'est bien. Elle en a, en effet. Ce qu'elle voudrait par-dessus tout, c'est retourner en Allemagne, puisqu'elle estime que les États-Unis l'ont un peu laissé tomber. Oui, on s'imagine. Voilà. Elle est en contact avec des gens en Allemagne en ce moment, aux dernières nouvelles, qui veulent faire une pièce de théâtre sur sa vie. Donc elle espère que ça va lui permettre de rentrer. Puis elle a des problèmes de santé, elle espère qu'elle sera mieux soignée en Allemagne. Donc c'est ça le but, mais ça fait plusieurs années qu'ils veulent, avec son fils Marc, aller en Allemagne et qu'ils n'ont pas les fonds nécessaires pour l'instant. Donc, un livre, elle veut écrire un livre, un autre, à propos de l'épisode dans la jungle, notamment une pièce de théâtre, et puis moi je suis étonné qu'il n'y ait pas eu encore un film de fiction quoi, au cinéma, parce que cette histoire elle est assez dingue quand même. Il est censé avoir un film, ça fait plusieurs années qu'ils en parlent. Mais pour l'instant, il y a un producteur américain qui a acheté les droits de sa biographie. Pour l'instant, pas de film. Voilà, merci infiniment. Allez, merci. Écoute, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'histoire de Marita Lorenz, l'espionne qui aimait Castro. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires éventuellement. Merci à Loïc Frapsos qui était à la technique aujourd'hui. Puisque nous sommes jeudi, je remercie toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Adrien Mora, Héloïse Daviau, Adrien Cara et Jean Bulot, attaché de production Valérie Priollet, lecture comédien Aurélien Labrouillère, Philippe Pierrard et Cécile Ribocayol, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Hélène Bizio et Coyen Guyenne.